Sur la lande, ils ont des chapeaux en forme de melon. Au fond des bois, sur l'espace vital des traits azurés. À l'ouest d'Éden, pour reprendre la mythologie, les eaux se sont séparées. Apollon et les déesses, les Nefertiti et les dieux occupent le livre des histoires. Au mois d'avril, sur le bois mort de la pile, revit la vie. Elle porte couleur aux sentiments. Je suis amoureux des jonquilles et jeunets, du jaune tout entier dans ses nuances. Sur les matins de l'automne, je me suis endormi pour passer l'hiver. L'oiseau recommence à chanter timidement. J'écris des poèmes au milieu des manifestations populaires des rues. À l'ouest d'Éden, certaines femmes ont des papillons à leurs yeux et n'ont plus d'âge quand elles croisent certains regards sur la lande à l'arrière-pays des hommes sans frontières.